Dans 3 semaines aujourd'hui, aujourd'hui c'est Noël, ça fait 22 balais que j'attendais mon cadeau. Papa Noël m'avait mis son teco. Je voulais des crampons, je n'avais que d'un ballon, t'as pas fait ton boulot et moi je voulais des bonbons. La caissière est pas code, j'avais 10 ans et pas de soucis, pas d'écrou, je voulais juste un ballon. Père Noël est pas juste, mais c'est ça la justice. C'est comme ça, c'est la vie, y'a le 20ème, y'a nuit, les quartiers nord, le vieux port. Dans chaque ville, y'a des villes, y'a les pauvres et les riches, y'en a qui rêvent d'un maxi. J'étais fiché bancaire, fichu, t'es fauché, mais j'ai fauché le destin, je l'ai braqué en R1. T'es un vrai à dire, toujours serein, je vais te saigner, sans ton vocabulaire, m'en fous, tu viens de parler, un ballon, peu, je t'ai quebra, t'étais pas ta détail. T'étais pas ta détail, je t'ai volé, t'es talbrin, t'étais chaud, t'as eu froid, alors c'est qui le malin? Cette année, je suis glacé, moi, qu'avais pas de goûter, pas qu'à puer les égouts, à deux doigts de devenir fou. Papa Noël, joue à ma gueule, t'étais où le pipeau de l'année, mes petits mois, t'aimes comme elle. T'as commis un délit, t'attendais avec mon cookie. Curieux de savoir pas où t'allais passer, j'avais pas de cheminée, c'était ma fenêtre, le chemin elle était petite, t'étais gros, je me suis dit tu passes pas, donc j'ai ouvert la porte, t'as attendu toute la nuit. Pour moi t'étais un ami naïf, 8 ans de ma vie, toute ma vie t'as menti, tu vas régler mon neveu, rigoureux et joyeux, va pas jouer au con. Voilà la mallette sur un son, j't'ai écrit mon mallette et j't'ai mis mal à l'aise comme cette dame à la caisse. Papa Noël, j'voulais juste un ballon. Papa Noël, j't'ai pas demandé de crampons, t'as pas de cran, t'es pas venu, moi je me suis cramponné. Toi tu m'as rayonné, t'as échoué ta mission, viens pas demander pardon, j'en veux pas ta pitié, j'étais petit, j't'en voulais, toi tu t'es ballonné, t'as crevé mon ballon, t'as pas crevé mes rêves, sans rancune, j'ai grandi. Petit moi, c'est fini. Sans rancune, j'ai grandi. Petit moi, c'est fini. Va bien sur mon neveu. Il aura ses Noël, il aura ses cadeaux. Et Freddy Bête des rôles, Père Noël. Et pas juste, mais c'est ça la justice. C'est le nono des pauvres et le nono des riches. C'est un bon réveillon. Mais ma gueule, réveille-toi. Ma gueule, réveille-toi. Oublie pas la chance que t'as de pouvoir manger à table et d'avoir un safran. Sans rancune, j'ai grandi. Petit moi, c'est fini. Va bien sur mon neveu. Il aura ses Noël, il aura ses cadeaux. Et Freddy Bête des rôles, Père Noël. Et pas juste, mais c'est ça la justice. C'est le nono des pauvres et le nono des riches. C'est un bon réveillon. Mais ma gueule, réveille-toi. Ma gueule, réveille-toi. Oublie pas la chance que t'as de pouvoir manger à table et d'avoir un safran. Père Noël est pas juste, mais c'est ça la justice.